vendredi 9 décembre, déjà 9 décembre. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Et puis ce matin, je vous propose l'hypnose comme sujet. C'est un sujet, quand on y pense à l'hypnose, on pense tout le temps à Mesmer. C'est spectaculaire, Mesmer, ce qui fait remplir des centres complets au Québec, en France, un peu partout. Mais l'hypnose, c'est plus que ça. Comme, par exemple, c'est sûr et certain, il y a beaucoup de sceptiques, de scepticisme même qui entoure l'hypnose. Et puis, plusieurs croient justement là, que c'est pour faire du spectacle, que rien existe autour de ça. Puis, il y a aussi l'autre aspect qu'on n'entend pas beaucoup parler parce que, justement, au niveau de l'hypnose, il y a le côté... je ne sais pas si on pourrait dire thérapeutique ou pour pouvoir évoluer dans notre vie, tout ça. Et ça se fait en clinique en général. Et puis ce matin, si vous voulez réagir, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Différents, pour poser vos questions. Donc, vous allez voir la dernière publication. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà été hypnotisé? Et puis, si vous avez des questions, ce matin, pour passer l'heure avec nous, j'ai Dave Martin, qui est praticien en hypnothérapie. Bonjour, Dave. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Mélanie. Bien, bonjour. Puis, j'ai Nadine Landry aussi, qui est coach, qui a eu... toi, t'es coach, mais t'as eu aussi recours... aux séances d'hypnose avec Dave. Exactement. Et puis, si on peut commencer, Dave, c'est quoi l'hypnose? C'est la grosse question, là, mais c'est quoi exactement quand on parle d'hypnose? Parce que je parlais tantôt, je disais, bon, Mesmer qui fait ça en 2 secondes, il réussit à hypnotiser je sais pas combien de centaines de personnes. Il fait des records aussi avec ça. Mais toi, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ça joue dans le subconscient? Ben en fait, quand on parle d'hypnose, on parle d'un outil. C'est une méthode qui permet de calmer le mental d'une personne, donc de calmer l'activité cérébrale, la vigilance du mental d'une personne, pour l'amener tranquillement à abandonner son sens critique, pour faire émerger son subconscient. Donc, l'hypnose, c'est une approche, c'est un outil pour induire l'état hypnotique. Et qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? Ben, c'est un état de conscience modifié, mais qui est naturel aussi. C'est un état naturel qu'on va accéder plusieurs fois d'une journée. Comme par exemple, quand on va conduire notre voiture sur l'autoroute, ben, on va se rendre compte à un moment donné qu'on est passé du point A au point B sans vraiment s'en rendre compte. Donc, on va réaliser après un certain temps, « Oh, je suis rendu ici, je m'en suis pas rendu compte, le temps a passé vite. » Et pourtant, on a pris les courbes sans faire d'accident, sans prendre le clou. Donc, à ce moment-là, on était dans un état qui est très, très près de l'état hypnotique. OK, on n'est pas hypnotisé, mais on n'est pas loin, là. C'est ça, on est dans un état modifié de conscience où la vigilance de notre mental n'est pas là. Ou bien où notre mental est occupé à autre chose. Par exemple, on peut être pris dans nos pensées, on peut être en train de planifier notre liste d'épicerie, on peut être en train de planifier notre journée de travail au bureau, tout en conduisant notre véhicule. Donc, qu'est-ce qui conduit notre véhicule à ce moment-là? C'est notre subconscient. OK. Et la preuve, c'est que quand on va apprendre à conduire, on fera pas ce genre de choses-là. Notre mental va être 100% focusé sur notre apprentissage à conduire. Ouais. Donc, pendant ce processus d'apprentissage-là, là, on est alerte, notre mental est sollicité et on est en train de forger, on est en train de programmer notre subconscient avec une routine. Donc, plus on va conduire notre véhicule et plus ça va devenir un automatisme et plus ça va devenir quelque chose d'ancré dans notre subconscient. Bien, tu me fais penser, quand j'ai appris à conduire, au début, moi, j'ai appris à conduire automatique, puis à un moment donné, justement, je tombais tellement dans l'une souvent... que j'ai dit, ben je vais apprendre à conduire manuel, comme ça, ça va me garder éveillée, ça va me garder concentrée à faire quelque chose. Mais non, à un moment donné, je réussissais à changer de vitesse, puis je m'en rendais pas compte. C'est vraiment comme ça que le cerveau fonctionne. Il, à un moment donné, il devient habitué, puis il part tout seul il nous guide, c'est du subconscient dans le fond. C'est qu'à partir du moment où on a répété une chose suffisamment de fois, ça devient programmé dans notre inconscient, ça devient un automatisme, ça fait partie de notre programme. OK. Et là, puisque je mentionne le mot programme, ben oui, on pourrait comparer notre inconscient à un programme informatique, qui nous permet d'effectuer certaines tâches. Et ce programme-là peut être optimisé pour nous amener à faire des tâches dans un objectif précis. Comme dans un ordinateur, par exemple, si on prend un programme, un logiciel qui est conçu pour effectuer une tâche, ben, tant que le logiciel fonctionne bien, l'ordinateur performe et fait ce qu'il y a à faire. Sauf que ce moment-là, on attrape un virus sur Internet, le programme s'y met à moins bien aller. Donc, ça va être un peu la même chose avec notre inconscient. Si on vit des traumatismes, si on vit des expériences de vie difficiles, si on cristallise des émotions lourdes, notre programme devient buggé, comme un virus dedans. Ben oui. Et au même titre que pour retrouver le fonctionnement optimal d'un programme informatique, on va devoir appliquer un antivirus. Mm-hmm. L'hypnose est une approche par laquelle on va pouvoir venir reprogrammer, déboguer le programme de notre subconscient, de notre inconscient, mm-hmm. pour lui permettre de retrouver son fonctionnement optimal en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Mm-hmm. Puis, moi, je me tournerais aussi vers Nadine pour savoir, toi, de ton côté, tu fais des séances d'hypnose. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, pour les raisons? Je ne sais pas si tu veux en parler nécessairement, les raisons, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu t'es arrivée à faire de l'hypnose? OK. Ben moi, en fait, quand on dit faire de l'hypnose, je participe comme participante. Oui. Ben, j'ai peut-être envie de te raconter un peu comment ça s'est passé au départ. Mm-hmm. Comment c'est arrivé au départ que j'ai connu l'hypnose, c'est que j'en avais entendu parler un peu comme tout le monde, puis j'avais un peu les préjugés de tout le monde par rapport à l'hypnose de spectacle, puis que bon, on pouvait faire un peu n'importe quoi, on pouvait nous faire n'importe quoi. Ouais, ben c'est ça, on a l'image de la poule, là, finalement. C'est ça exactement sur la scène, puis ouais. qu'on va être ridiculisé presque ou quelque chose comme ça. Puis moi, de la façon que ça s'est passé, c'est que j'étais dans un contrat de travail, puis je me suis mis à être malade souvent. En fait, je faisais des pneumonies à répétition. Et là, je me suis dit, moi qui travaillais en relation d'aide depuis 15 ans à peu près, je me suis dit, voyons, je me pensais invincible, puis je me suis dit, OK, il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Fait que je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour peut-être aller travailler dans le subconscient plutôt que, ou dans l'inconscience en tout cas, plutôt que la conscience comme je le faisais avant. Mm-hmm. Puis, je me disais, il y a sûrement de quoi que je peux aller vérifier ou travailler. Et c'est comme ça que j'ai connu Dave et les séances d'hypnose de groupe. Fait que j'ai commencé comme ça, puis Dave, quand il a nommé au départ à la première séance d'hypnose que je suis allée, il a dit « Bon, mais ça va être très positif. » Puis moi, au début, on dirait que j'avais comme l'impression qu'il fallait pas que ce soit positif. Il fallait que ça aille comme dans les bibittes. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression que c'était ça, moi, l'hypnose, qu'il fallait qu'on aille comme en régression, puis qu'on s'en aille vraiment quelque part. Mais parce qu'il y a plusieurs petits cousins de qu'est-ce qui est l'hypnose. Il y a, si on pense au rebirth, au PNL, à tout ça, fait que c'est sûr et certain qu'on a une idée que l'hypnose, ça entoure tout, là. C'est ça. Puis bref, j'ai fait cette expérience-là qui était ultra positive. Mm-hmm. Puis c'était vraiment d'aller placer comme des images puis des ancrages pour aller se propulser plus loin. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis bref, en tout cas, plus tard, pour faire ça rapidement, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose de groupe. Puis après ça, j'ai remarqué que, moi, dans ce que j'avais à travailler, j'ai remarqué que j'avais des deuils à travailler. J'avais des deuils que j'avais pas faits plus jeune. Puis là, je me suis dit, crème, je pense que je vais aller travailler ça avec Dave. Mm-hmm. Fait que j'ai communiqué avec lui. Puis là, on a commencé à faire des séances privées. En tout cas en particulier là, d'hypnose, où est-ce que là c'était beaucoup plus personnalisé par rapport à ce que moi j'avais à travailler. Parce que c'est ça, Dave, tu fais aussi en groupe, là. C'est comme ça que tu l'as rencontré, que tu as vu que c'était lui qui faisait l'intervention de groupe, en fait. Exactement, il faisait l'intervention de groupe, puis c'est ça, il avait parlé qu'il y avait d'autres choses qu'il pouvait offrir comme service, puis je suis vraiment allée là pour valider puis pour vérifier, vraiment pour aller plus loin, parce que... T'étais curieuse. Exact. T'étais curieuse de savoir jusqu'où tu pouvais aller. Oui, puis en même temps, tu sais, quand t'as l'impression d'avoir... Moi, en tout cas, j'avais fait toutes sortes de psychothérapies, toutes sortes de choses, là. J'ai étudié vraiment en counseling puis des choses comme ça. Fait que j'ai vécu ça avec mes collègues étudiantes. On s'est psychothérapeutisé nous autres-mêmes. En tout cas, on est allé loin. Puis j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour de tout ce que j'avais à sortir ou à régler dans ma vie. Mm-hmm. Puis pour moi, le symptôme de « je suis tout le temps malade encore », il y avait vraiment quelque chose que j'avais pas vu. Il y avait de quoi dans mon angle mort. Il y avait de quoi qui était pas à ma portée. Mm-hmm. Puis par l'hypnose, ça t'a aidé à aller jusque à savoir exactement. Le pourquoi du comment. C'est ça que ça, c'est à ça que ça t'a servi comme outil. Je dirais pas tant que ça. Elle est trouvée le pourquoi du comment comme aller là, Dave pourra mettre l'accent sur la solution. C'est parce que ce qui est intéressant c'est avec l'hypnose, la solution. On n'a pas besoin d'aller chercher la cause ou de trouver c'est quoi la source du problème. Okay. On va mettre l'accent sur la solution. Parfois, ça peut être utile d'aller cibler la cause. Si on a des deuils à faire par rapport à un événement, par exemple, aller faire le deuil de cet événement-là. Mm-hmm. Mais règle générale, on n'a pas besoin d'aller creuser, gratter les bobos, trouver la cause d'un problème. On met l'accent sur l'objectif. C'est quoi tu veux? Vers où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et on va mettre en place des solutions pour atteindre cet objectif-là. Mm-hmm. En choisissant les scénarios, en utilisant les bonnes suggestions, en faisant un choix judicieux avec discernement des images ou des symboles qu'on va utiliser dans la visualisation sous hypnose. OK. Puis, je me pose la question, je me fais peut-être l'avocat du diable, là, mais comment on peut évoluer vers un objectif sans savoir, c'est comme rajouter une couche de plus sans savoir pourquoi je me sens comme ça. Par exemple, comme toi, dans ton cas, tu tombais à répétition, tu tombais malade. Comment est-ce que ça fait pas juste rajouter une couche à comment on était? C'est comme si on balayait ça un peu en dessous du tapis. Je pose la question parce que justement c'est. Ben moi je l'ai pas vécu comme ça dans le sens que oui ok je me suis posé des questions mais ça je l'ai fait comme ben en fait c'est pour ça qu'on moi je pense que l'hypnose c'est vraiment ça va avec une approche complémentaire dans le sens où on peut travailler le conscient et l'inconscient avec l'hypnose puis moi de mon côté quand j'ai trouvé que j'avais des deuils à faire. En fait, en hypnose, puis là, Dave pourra aller vers la théorie de la chose, là. Mais de la façon que moi, je l'ai vécu, entre autres, il y avait une personne qui était décédée dans le temps que j'étais jeune, de façon violente. Puis, c'est comme si la séparation, pour moi, avait été difficile, puis je me suis fait des croyances irrationnelles par rapport à ça. OK. Puis, comme par exemple, j'avais comme l'impression que cette personne-là m'avait abandonnée. Mais alors que c'est pas du tout ça qui est arrivé, évidemment. Mm-hmm. Puis, dans l'hypnose, avec Dave, j'ai revécu la visite de cette personne-là avec moi, où j'ai pu y transmettre les dernières choses que j'avais besoin d'y dire, et que lui a pu me donner quelque chose. Mais c'est de l'imagerie, là, évidemment. Oh, là, oui. dans l'imagerie mentale. Où lui a pu aussi me transmettre quelque chose, puis que j'ai pu lui dire au revoir de façon... où moi, ça me faisait du sens. Mm-hmm. Et maintenant, ce qui me reste comme souvenir, c'est plutôt ça, cette belle fin-là, plutôt que la fin de la mort violente, disons. Oui, oui. Fait qu'autrement dit, c'est vraiment complémentaire à n'importe quelle autre thérapie, qu'on parle de psychothérapie, de thérapie avec un intervenant ou quoi que ce soit. C'est vraiment complémentaire. T'amènes un outil de plus. Tout à fait. Exact. Il n'y a pas d'outil qui est meilleur qu'un autre. Ça va dépendre de ce que la personne a besoin d'atteindre comme objectif, comment elle veut cheminer. Et moi, si je prends l'exemple de ma vie personnelle, j'ai eu recours à un paquet d'intervention, d'intervenants dans différentes disciplines, toutes complémentaires. Mm-hmm. Et je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre qui a fait en sorte que j'ai pu cheminer, avancer, libérer des blocages, aller plus loin. Je dirais pas que c'est plus l'hypnose ou que c'est plus la psychothérapie ou que c'est plus le coaching. Puis j'ai pas besoin de savoir non plus dans quel pourcentage chaque intervention m'a aidé. C'est l'ensemble de l'œuvre qui compte. Oui, ben c'est le résultat. Puis les outils, là, tu sais, ça fait partie d'un coffre à outils. Puis l'hypnose aide justement là, à certaines personnes plus que d'autres, peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui sont moins réceptifs à l'hypnose? Bien, quand on parle de réceptivité, tout le monde peut être réceptif à l'hypnose. Il y en a qui vont atteindre l'état hypnotique plus rapidement que d'autres. Et c'est ces gens-là que Mesmer va aller cibler, va aller identifier quand il fait du spectacle. Il y a 10 à 15 de la population qui sont très, très, très réceptifs et qui vont tomber en état hypnotique de manière presque instantanée. Et c'est avec ces gens-là que Mesmer travaille dans ses spectacles. Est-ce qu'on le voit, ça? Est-ce qu'on le voit quand quelqu'un est hypnotisé ou ça se voit pas? Oui, ça se voit. Ça se voit. Pour déterminer si une personne est facilement hypnotisable, on peut faire des tests, ce qu'on appelle des tests de suggestibilité, comme le fameux test des doigts collés, que plein de personnes connaissent. Il y en a d'autres, les mains dans le dos. Il y a une couple de tests comme ça qu'on peut faire très rapidement pour identifier quelles personnes vont être très réceptives à l'hypnose et très rapidement. Et une fois qu'on a identifié des personnes qui sont plus réceptives, pour déterminer si une personne est en état hypnotique, il y a des signes physiologiques qu'on peut détecter. Ça ne veut pas dire que les personnes vont avoir tous ces signes-là, ou qu'ils vont en avoir, mais quand on voit ces signes-là, c'est un signe que la personne a atteint l'état hypnotique. Par exemple, les mouvements rapides c'est oculaires. Ça, comment tu vois, toi, dans ton... Quand, admettons, quand, parce que moi, j'ai participé à une de tes conférences qui était pour la productivité, puis je l'ai vécu, je l'ai fait, mais je me posais quand même la question, j'étais-tu vraiment hypnotisée ou quoi que ce soit? Mais c'est quoi les signes qu'on pourrait, nous autres même, si on va à une de tes conférences, par exemple, savoir personnellement, écoute, j'étais-tu dans cet état-là ou c'est moi qui étais dans une méditation profonde ou comment on pourrait le savoir personnellement aussi? Oui, on va constater, entre autres, un relâchement musculaire. Donc, la personne va être très détendue et ça pourrait même aller jusqu'à la tête qui bascule, le menton vient toucher la poitrine, par exemple, si la personne est assise. Moi, la tête m'a penchée par en arrière, oui, j'avoue. Là. Ça, c'est un signe que la personne est rendue très détendue, qu'elle a probablement atteint l'état hypnotique. Il va avoir les mouvements rapides oculaires. Donc, le battement des paupières qui va vite, vite, vite. Ah, on oui. peut percevoir aussi un changement dans la façon que la personne respire ou dans la façon que la personne avale. Donc, des modifications au niveau de la déglutition. Donc, en étant attentif à la façon que la personne respire et avale, on peut avoir une bonne indication qu'elle est rendue en état d'hypnose. Ça se peut-tu aussi que quelqu'un oublie, justement, parce qu'à un moment donné, moi, je me rappelle, quand j'ai fait l'expérience, c'est comme si on oublie d'avaler. C'est comme si on oublie d'avaler notre salive à un moment donné. On est comme dans un état où est-ce que, c'est comme ça. Puis moi, dans mon cas, c'était vraiment, là, je sentais que, je respirais peut-être plus calmement. J'étais quand même là, mais j'étais pas là. Comment t'expliques ça? Je sais pas, toi, Nadine, de ton côté, comment tu les premières séances d'hypnose, comment tu as vécu ça? Ça a-tu été surprenant ou c'est ce que tu t'attendais? Ben pour moi, ça n'a pas été si surprenant que ça parce que j'avais fait, de la méditation, des trucs de même. Fait que mm-hmm. J'étais capable de rentrer comme dans un calme intérieur, quelque chose comme ça, d'aller visiter ça. Mais je me souviens qu'au début, il y avait quelque chose qui était là pour moi, puis c'était surtout dans le groupe. J'avais comme un genre de filtre du fait que j'avais peur de ma réaction physique, physiologique, pendant que j'étais hypnotisée. Puis comme d'être jugée sur ma réaction physiologique. Oui, c'était bizarre. Comme par exemple, j'avais peur de tomber endormie puis de me mettre à ronfler. Ouais, ben ça arrive-tu? C'est ça qu'il y en a qui vont jusqu'à ronfler? Ben jusqu'à dormir? Ben en fait, la recherche, l'induction hypnotique, ce n'est pas d'aller atteindre un état de sommeil. Si la personne tombe endormie, c'est parce qu'elle est épuisée, qu'elle a besoin de dormir. Mais c'est pas une conséquence de l'induction hypnotique. Okay. Et ça, c'est un mythe, c'est une croyance que les gens ont de penser à tort qu'on dort en hypnose. Et d'où ça vient? Ça vient de l'origine du mot hypnose. Mm-hmm. L'étymologie du mot hypnose, ça vient du mot grec hypnoïne. Et ça se traduit par endormir. Mais ça voulait dire quoi à l'époque, endormir? Ça voulait dire endormir la vigilance, la conscience mentale de veille, de notre mental avec nos facultés critiques. Mm-hmm. Donc, endormir cette vigilance-là pour favoriser l'émergence du subconscient. Donc, ça ne voulait pas dire induire un état de sommeil. OK. Donc, ça, c'est vraiment là un mythe, puis c'est le côté spectacle là, qu'on peut imaginer là, que quelqu'un dort. C'est ça, quand on dit dormir, c'est la vigilance du mental qui est endormie. Elle est abaissée, cette faculté-là. Ben c'est peut-être ça aussi qui mène le monde, qui amène le monde un peu en erreur. Là, à être craintif un peu par rapport à ça. Parce qu'on veut pas dormir, on veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Est-ce que ça, on peut faire n'importe quoi avec tout le monde? Non. Mais pas avec tout le monde, mais tu sais, est-ce qu'on peut... Tantôt, on parlait avec Nadine de la poule. Faire la poule, ça scène, c'est quoi? J'y vais avec le typique hypnose. L'extrême, ce qu'on voit le plus souvent, puis qu'on a vu le plus souvent dans les comédies, puis tout ça. Est-ce que tout le monde peut faire la poule ou il y en a qui vont faire « Non, gars, moi, dans la vie, j'ai pas envie de faire la poule, puis je la ferai pas hypnotiser non plus. » C'est super intéressant ce que tu dis là, Mélanie. Merci pour ta question. En fait, c'est pas tout le monde qui va vouloir faire la poule. Tout le monde pourrait potentiellement la faire, mais c'est pas tout le monde qui va la faire. Pourquoi? Mais c'est parce qu'un autre mythe qui est répandu par rapport à l'hypnose, c'est qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui, alors que c'est faux. Pour qu'une personne accepte de faire quelque chose sous hypnose, ça doit être en accord avec son libre arbitre, son éthique, ses valeurs morales. OK. Et donc, quand Mesmer va faire du spectacle, va demander à quelqu'un de faire la poule, ben, s'il tombe sur une personne qui, par exemple, dans son enfance, quand il était jeune, s'est donné en spectacle dans un party de Noël devant grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, et qu'elle a été applaudie, qu'elle a été valorisée pour se donner en show comme ça, ben cette personne-là a été reconnue, elle a comblé un besoin de reconnaissance et elle garde un souvenir positif dans son inconscient du fait de se donner en show. Et quand elle va se retrouver dans un spectacle de Mesmer et qu'elle va être invitée à aller se donner en spectacle sur la scène, elle va y aller immédiatement. Mais si on prend une autre personne qui, dans le même contexte, a été ridiculisée, que son grand-père il a dit « t'es donc même pas bonne, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas rapport de faire ça. » Et que la personne, ça l'a blessée, quand elle va se retrouver à être invitée sur scène pour faire la même chose, elle va rester sur son siège, ça lui parlera pas, ça rimera pas avec quelque chose de positif et elle ne bougera pas de son siège. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont vouloir aller se donner en show et que d'autres non. Ça va dépendre qu'est-ce que ça leur rappelle dans leur inconscient. C'est quoi les gains qu'ils ont à aller faire ça? Ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Okay. Parce qu'au niveau de l'inconscient, on a des bénéfices aussi à demeurer dans une situation ou à se prêter à un jeu, à un rôle ou à une situation particulière dans notre vie. Par exemple, les personnes malades. Il y a des gens qui, inconsciemment, vont vouloir rester malades parce que ça va leur permettre d'avoir de l'attention de leurs proches. Oui, les gens qui, normalement, mental, vivent ouais. une solitude vont avoir de la visite de leur famille. S'ils sont malades, vont avoir de l'attention. Ça va peut-être les dispenser d'aller au travail alors qu'ils détestent leur emploi. Ça va peut-être ça aussi... Ça part-tu du subconscient, ça? Oui, ça part, oui, c'est très inconscient. C'est vraiment... Ce qu'on appelle bénéfice secondaire, c'est des bénéfices cachés, ce que Nadine appelait tout à l'heure les angles morts. Autrement dit, on ne sait pas nécessairement si on est malade, on attire l'attention, c'est pas nécessairement volontaire, là. C'est plus dans l'inconscient. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et l'inconscient enregistre que, hey, quand je suis malade, on prend soin de moi, on vient me visiter, j'ai pas à aller faire 40 heures dans une job plate au bureau. Donc, l'inconscient ne veut pas guérir. Le corps ne veut pas guérir. OK. C'est ce que tu expliquais aussi, Nadine, qui est arrivé un peu dans ton cas. C'est-tu la même chose ou... Oui, dans mon cas, ça ressemble à ça parce que, bon, comme j'expliquais, j'étais malade, là. Fait que moi, je faisais des pneumonies. Puis, ben, moi, je me suis rendu compte que, ben, juste avant ça, j'ai accepté un contrat qui est allé vers la, je dirais, la facilité, dans le sens où, bon, j'ai accepté quelque chose que j'avais une sécurité d'emploi, ben des assurances, ben des affaires comme ça, mais qui n'était pas moi. J'étais la pas, job que tout le monde nous dit, lâche-la pas, ben, bonne. Exactement. Puis moi, je pensais beaucoup à mes parents qui... Ils vont tellement être fiers de moi que j'ai ce genre d'emploi-là, puis que hein, c'était programmé en dedans de moi. Le standing, oui. Exact. Fait que moi, pour moi, j'ai vécu ça d'avoir un bénéfice secondaire d'être malade parce que ça me préservait justement d'aller travailler dans quelque chose que j'aimais pas. Puis là, je suis pas spécialisée, mais il y a de la psychosomatique aussi qui existe dans le sens où bon, les poumons, ça veut dire quelque chose. Si c'est le poumon droit ou gauche, ça veut dire d'autres choses. En tout cas, des trucs de même. Puis ben c'est sûr que pour moi, il y avait comme un genre d'oppression qui était là. Donc par rapport à prendre mon espace, puis prendre mon heure, puis la pneumonie est pas mal reliée à ça. T'es là-dedans. Okay. Fait que puis encore, comme je dis, je suis pas spécialiste. Moi, c'est comme ça que je donne comme la signification, là, mais bref, c'est quand même, pour moi, ça a été une belle occasion. Maintenant, je trouve que c'est un beau cadeau parce que ça m'a permis de débloquer d'autres choses. Mm-hmm. Puis c'est comme, un peu comme Dave dit, le cerveau, ben notre inconscient, en fait, il nous envoie comme des messages, puis on a comme une programmation qui est là, puis qu'on connaît pas. Mm-hmm. Puis juste qu'elle soit inconsciente, ben Dave, il est pas là pour nous faire révéler vraiment... c'est quoi qui est programmé, mais plutôt de s'assurer que ce qui est programmé, ben qu'il y ait une nouvelle image ou une nouvelle programmation, un nouveau sillon, un nouveau chemin qui se passe dans l'inconscient, qui ramène dans le conscient, finalement, dans les comportements. Donc, le principe, ça devient conscient, là. C'est le principe fondamental de l'hypnose, c'est que notre cerveau, notre inconscient ne fera pas la différence entre ce qui a été réellement vécu puis ce qui est imaginé. OK, c'est pour ça, tantôt, tu disais le pourquoi du comment, c'est pas nécessairement important dans l'hypnose. Exact. Et c'est, je peux parler. Il fait croire des choses, puis il va y croire, là. C'est tout ça? À fait. Okay. Tout à fait. Je peux peut-être parler de mon expérience personnelle, de comment moi j'ai découvert l'hypnose pour bien illustrer ce qu'on est en train de parler présentement. C'est que moi, il y a une période de ma vie où j'étais en train de m'enlisser tranquillement vers une problématique de phobie sociale. Mm-hmm. Je travaillais avec un psychologue et ce psychologue-là était outillé aussi au niveau de l'hypnose, me l'a fait découvrir, m'a fait travailler sous hypnose à recréer une réalité dans laquelle j'étais à l'aise avec les gens. Donc, on n'a pas mis le focus à savoir pourquoi est-ce que j'ai envie de me couper des gens, pourquoi est-ce que j'ai peur d'entrer en relation. On est allé plutôt développer des outils de un pour m'apprendre à gérer mon stress, mon anxiété, quand j'ai été appelé à entrer en communication ou en relation avec les gens. Parce que l'hypnose, oui, c'est un outil qui nous aide à cheminer, mais mm-hmm. ça nous dispense pas de passer à l'action. T'sais, si j'étais resté dans mon salon en sortant de son bureau, en fermant de mes quatre murs, au lieu de m'impliquer avec les gens, j'aurais pas avancé. Non, c'est ça, faut s'aider aussi. Faut être dans l'action aussi, en plus. Oui, s'exposer. C'est s'exposer ça. À ce qui... C'est pas magique, là. Exact. Non, c'est pas une pilule magique. La personne doit quand même continuer de s'impliquer dans le passage à l'action et elle est responsable de créer sa vie quand même, de faire des efforts. Mm-hmm. C'est un outil qui va l'aider à aller plus vite. Et la façon dont moi ça m'aidait, c'est que j'ai pas cherché à savoir pourquoi, qu'est-ce qui avait créé dans ma psyché cette réalité-là dans laquelle je trouvais que les gens c'était dangereux, je les percevais comme dangereux. On a plutôt été créé une nouvelle réalité par exposition. OK. À une visualisation dans laquelle, tranquillement, j'étais en interaction avec des gens. Donc, mm-hmm. j'étais sous hypnose et là, on m'amenait à aller aborder quelqu'un dans un café, par exemple. Et après ça, l'étape d'après, c'était de m'immiscer dans une discussion de groupe. Okay. Ensuite, après ça, ça a été de parler devant un public, de donner un cours, de donner une formation et finalement de donner une conférence. Okay. Et ça, ça se fait de manière graduelle, toujours en gérant l'anxiété, les émotions qui sont là à ce moment-là, pour bien les contrôler, bien les évacuer, le temps que l'ancienne réalité qui est inadéquate et dont les causes dans ce cas-là précis ne sont pas importantes, mm-hmm. pour venir remplacer ça par une nouvelle réalité dans laquelle, dans mon souvenir présentement, ben, c'est agréable d'être en contact avec les gens puis entrer en relation. Donc, c'est comme tu disais tantôt, c'est reprogrammer le cerveau, reprogrammer ses pensées, faire croire des choses, puis c'est après ça, ben d'enlever une phobie sociale pour aller vers les gens. Là, c'est rendu agréable pour toi. Exact. OK. On va prendre une pause. On est déjà rendu à la moitié de l'émission. Déjà, je vous l'avais dit, ça passait vite aux différents. J'aimerais ça qu'on parle après la pause des différents professionnels qui vont utiliser. Quand est-ce qu'on peut utiliser? Tu parlais tantôt en thérapie, on peut utiliser l'hypnose. J'ai vu aussi, il y avait des dentistes qui pouvaient hypnotiser leurs patients qui ont peur, par exemple, ou qui sont difficilement gelables, là, si on veut, pour travailler dans la bouche. J'aimerais ça qu'on en parle après la pause. Puis, restez là, ça sera pas bien long. On vous revient tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et puis ce matin, on parle d'hypnose. Et si vous avez des questions concernant mes invités, c'est-à-dire Dave Martin qui est praticien en hypnothérapie, ou Nadine Landry qui est coach dans la vie, mais qui a recours aussi à ces services-là au niveau de l'hypnose, vous pouvez aller sur la page Facebook Les Différents. Et puis... posez vos questions, ne vous gênez pas. Et si vous avez déjà vécu aussi de l'hypnose, c'est intéressant aussi de voir peut-être vos expériences. De retour, on parlait avant la pause des professionnels qui utilisent ça. Qui peut utiliser l'hypnose dans son travail, par exemple, pour aider ses patients, comme on parlait tantôt du dentiste? Est-ce qu'il y a beaucoup de professions qui utilisent l'hypnose? Il y a quelques professions qui vont utiliser l'hypnose dans leur travail, mais les champs d'application sont très larges et c'est pratiquement illimité. Donc, comme tu l'as mentionné, les dentistes vont l'utiliser pour faire des anesthésies buccales avant de faire des extractions dentaires ou avant d'aller faire des plombages, par exemple. Donc, ouais. Ça, c'est une application. Les médecins vont pouvoir faire la même chose aussi au niveau des anesthésies locales avant une opération, devant une microchirurgie, par exemple, peuvent utiliser l'hypnose pour aider la personne à ne pas ressentir de douleur et les effets de la chirurgie. Et ce qui a été constaté dans ces cas-là, c'est très intéressant, c'est que la guérison, la cicatrisation est plus rapide que s'il y avait eu une anesthésie avec médication. Est-ce que c'était... Donc, c'est pas nécessairement prouvé, ça a été observé. OK, ça a été observé. Mais ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, dans ce que tu me racontes, c'est que la médecine est ouverte à l'hypnose. Tout à fait. Mais en fait, c'est ce qui est la bonne façon de percevoir et d'accueillir toutes ces sciences-là, c'est de ne rien rejeter. C'est de tout accueillir, de tout considérer, mais avec discernement. Mm-hmm. Par exemple, il y a des gens qui vont venir me consulter pour des problèmes de douleur chronique. Ben, la première question que je leur pose, êtes-vous allé voir un médecin? Est-ce que ça a été diagnostiqué douleur chronique? Oui. Parce que si la personne a une ulcère d'estomac, j'ai pas envie de geler sa douleur. Faut qu'elle aille à l'hôpital, faut qu'elle aille se faire soigner par un médecin. Ben oui. C'est important. Si je gèle un problème alors que ça nécessite une intervention médicale, je ne suis pas professionnel, je ne fais pas bien ma job. Donc, il y a des étapes à respecter. Et la première étape, quand on parle de douleur physique, c'est on passe par le médecin en premier. Moi, je ne suis pas habilité à émettre quelconque diagnostic. Ça ne fait pas partie de mon champ de compétences. Donc, je réfère un médecin quand c'est physiologique ou si c'est psychologique. Je vais référer un psychologue, un psychothérapeute. Et à ce moment-là, quand ces professionnels-là ont été vus et qu'eux, de par leur champ de compétences, ont émis un diagnostic, la personne peut revenir me voir et je peux travailler avec elle. Oh oui. Mais c'est ça, c'est intéressant de voir que, tu sais, on voit que la médecine moderne n'est pas très ouverte, admettons qu'on parle d'homéopathie, tout ça, on voit plein de reportages avec les nouvelles émissions, entre autres, du pharmacien, mais il y a, en passant, il essaie l'hypnose aussi. Au mois de janvier, tu vas pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, mais la médecine moderne, en fait, traditionnelle, tout ça, c'est de regarder... qui sont ouverts, qu'on parle d'un dentiste, qu'on parle d'un médecin praticien, tout ça, qui essaient quand même, eux, prennent le cours d'hypnose pour hypnotiser, oui. En fait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ouverture, c'est que l'hypnose, ce n'est plus nécessairement associé à quelque chose d'ésotérique. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend dans une école. Donc, il y a des formations professionnelles qui se donnent pour apprendre à faire de l'hypnose, à hypnotiser les gens. C'est ce que tu as fait, toi. Tout à fait. Et c'est une question de connaissance, de compréhension et de mise en application, comme n'importe quelle profession. Donc, quand on parle d'hypnose, c'est la connaissance des mécanismes de fonctionnement du subconscient, de l'inconscient. Donc, à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, on est capable de l'appliquer. Et aujourd'hui, même les neurosciences reconnaissent l'hypnose. Et ils ont fait des tests avec des gens sous hypnose en utilisant l'imagerie cérébrale. Et ils ont vraiment constaté des changements de fonctionnement dans les zones du cerveau. Okay. Chez les gens qui étaient sous hypnose. Donc, c'est rendu accrédité par les neurosciences. Fait que là, on mettait une image, on mettait sur une science. Puis, c'est parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi dans ça qu'on a entendu. Il y a une mauvaise presse un peu par rapport à l'hypnose. C'est, comme on parlait tantôt, il y en a qui font semblant d'hypnotiser. Il y a le côté spectacle. Il y a quelqu'un qui est arrangé avec dans la salle qu'on entendait dans les anciennes histoires. Mais c'est plus ça, là. C'est pas... comme tu dis, il y a une école où est-ce que... C'est quelle école? C'est-tu celle à Montréal qui existe? Moi, j'étudie à l'EFPHQ, l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Et eux ont pignon sur rue à Montréal. OK. Ça fait plusieurs années qu'ils sont actifs et ils forment des médecins, des dentistes, des psychologues et des gens comme moi qui arrivent de nulle part et qui s'intéressent à ça pour accompagner les gens ou faire du coaching ou du développement personnel en travaillant la confiance en soi, l'estime de soi ou... Parce qu'il n'y a pas de prérequis avant ça pour... faut pas être psychologue ou thérapeute à la base, faut vraiment... Non, par contre, en étant pas psychologue ou thérapeute ou médecin, ben il y a des champs d'application qui sont pas accessibles. Et il y a une loi qui régit ça et c'est la loi 21. OK. Donc, ça régit la pratique de la psychothérapie et je suis conforme, je suis dans l'obligation de me conformer à cette loi-là. Et il y a des... Celle-là, c'est dans le fond, la loi 21, c'est... Ça régit la pratique de la psychothérapie. Okay. Donc, moi, n'étant pas psychothérapeute ou psychologue, je peux pas émettre aucun diagnostic de nature psychologique. Okay. Donc, une personne débarque dans mon bureau et elle me dit « Ah, je pense que j'ai une phobie des avions. » As-tu vu un psychologue? As-tu travaillé avec quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment confirmé que tu avais une phobie? Si la réponse est non, je vais dire « Ben, je peux pas t'émettre un diagnostic de phobie. Ouais. Je suis pas habilité à le faire. » Tu vas pouvoir travailler avec pour certaines choses, mais tu peux pas le diagnostiquer, c'est ça? Exact. Mais par contre, si la personne dit « je travaille avec un psychologue, on travaille une phobie, okay. C'est vraiment déterminé, c'est reconnu que j'ai une phobie des avions, parfait, je vais pouvoir travailler avec cette personne-là à ce moment-là. » OK. Donc, c'est pas limité là qu'aux professionnels de la santé, psychothérapeute, psychologue. C'est vraiment toi, tu as décidé, tu t'intéressais parce que toi, dans le fond, tu as été... t'as essayé l'hypnose avant de t'en aller vers ça. C'est comme ça, dans le fond, que t'as découvert ta profession. Exact. Et c'est parce que j'ai constaté les résultats surprenants et efficaces de cet outil-là que je m'y suis intéressé. J'ai voulu en apprendre plus et j'ai décidé de l'utiliser dans ma vie pour permettre aux gens aussi d'atteindre les objectifs plus facilement, plus rapidement. OK. Puis, les bienfaits, tantôt on en parlait un petit peu, là, les bienfaits, on voit que c'est comme reprogrammé. T'es un peu l'informaticien du cerveau, tu t'aides à reprogrammer, dans le fond, le cerveau complètement, là. Tout à fait. Je vois Nadine qui rit, mais c'est vrai, c'est un peu l'informaticien qui replace les logiciels comme il faut, qui enlève les moins bons puis qui remet les meilleurs. Les bienfaits par rapport à ça, dans le fond, vous autres, vous l'avez vécu, mais est-ce qu'il y a des histoires que vous avez entendues que, ah, écoute, ça, là, ça a été impressionnant, qu'est-ce qui s'est passé aussi, qui vous ont surpris? De mon côté, ben, moi, je fréquente beaucoup les groupes d'hypnose de groupe, en fait, avec quand Dave est là. Fait que j'entends des choses aussi qui se sont passées dans la vie des gens. Puis moi, ben, ce qui me touche, parce que moi, mon côté de coaching, c'est vraiment par rapport à l'emploi. Puis du côté professionnel, j'étudie en orientation, en management et tout ça. Puis ce qui m'impressionne toujours, c'est à quel point ça donne un... Ça peut amener des actions. Puis il y a quelques semaines, il y a eu un groupe qu'il y a deux ou trois personnes qui ont dit... Ben, crime, depuis l'autre hypnose, ben moi, je suis partie de mon emploi, puis je suis en train de me trouver quelque chose qui est plus à mon goût. Puis là, j'ai fait comme, waouh, il y a vraiment un résultat concret. Ouais. Les gens sont en action pour être plus heureux, pour être vraiment plus épanouis, puis plus fluides dans leurs actions. Je trouve ça merveilleux. Parce que, ben, tu me fais penser, tantôt on disait, Ordonne, quand j'ai été à la conférence de groupe, avec Martin, Pelletier, merci, je cherche. Ben, Dave Martin, Martin Pelletier, ça m'a mêlé. Deux Martins, je suis mêlée. Dans ça, il y avait un exercice que tu faisais avec le téléphone cellulaire. Il y en avait qui prenaient le crayon. Puis ça m'a surpris de voir que des gens voulaient rien savoir de leur téléphone. Les autres, c'était le crayon, puis ils tenaient. Puis c'est correct. Quand on tenait ça, la productivité, quelque chose de positif qui émanait, tout ça, moi, je l'ai un petit peu modifié. J'aime mieux te le dire. Je t'ai devant moi. J'ai même fait la critique après ça à l'émission de Jessica Leb. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment aider la communication, développer, oui, la productivité parce que c'était le thème. Sauf qu'à chaque fois que je prenais mon téléphone, je ne faisais que faire de la recherche pour mes émissions différentes. Par exemple, le soir même, ça a été pour ma chronique 2 jours plus tard. Je ne faisais que ça. Oubliez Candy Crush et compagnie, là, Facebook, Twitter, tout ça, là. Ça existait plus pour moi. C'est pas rare, je pense, que ça arrive ou je pense pas être un phénomène, là. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon cerveau? Ben, en fait, j'étais devant moi, je te pose la question. Ce que vous avez vécu à la conférence s'appelle la programmation d'un ancrage. OK. Donc, ce qu'on entend par ancrage, c'est de venir associer un état d'esprit, un état d'être, avec un objet, une image ou un geste physiologique, par exemple. Et à la conférence, ce qu'on a fait, c'est d'aller programmer justement un état où on est très productif, en étant calme, en étant concentré, en étant présent, en étant créatif. Et on a associé cet état d'esprit-là, je ne sais pas si tu te souviens, je suis allé vous faire rechercher un souvenir dans votre passé où vous aviez vibré, où vous étiez émotionnellement dans cet état-là. Ouais. Et on a associé l'état d'être, l'état émotionnel, de productivité, de créativité, de concentration, de présence avec l'objet. Donc, on a créé une association entre cet état-là, cet état d'esprit-là et le téléphone cellulaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, ben quand tu prenais ton téléphone cellulaire, tu étais rendu dans ce mode-là. Ça se faisait automatiquement, de manière inconsciente. On avait créé un nouveau programme, on avait associé l'état de productivité avec le téléphone cellulaire. Et ça, là, pour donner d'autres exemples, il y en a plein. Là, on peut créer des ancrages at large dans notre vie. Moi, je l'ai fait de manière personnelle quand j'ai été appelé à passer mon test de ceinture noire de karaté, par exemple. Oui. Quand l'instructeur m'a convoqué sur l'examen, j'étais stressé. Je disais, oh boy, je m'en vais performer des katas, des techniques d'autodéfense pendant 5-6 heures de temps devant des gens haut gradés. Je vais être évalué, je vais être jugé. Et c'est un gros défi pour moi. Donc, ce que j'ai fait, je me suis demandé quel serait un bon ancrage et quel serait l'état d'esprit que je pourrais associer à cet ancrage-là pour m'aider sur mon examen. Okay. Et donc, ce que je recherchais comme état, c'était de l'assurance, c'était de la confiance, c'était de la motivation, de la détermination, c'était de donner mon 100%, c'était de fournir des efforts jusqu'au bout. Mm-hmm. Donc, je suis allé retrouver cet état-là en recherchant dans mes souvenirs une situation que j'avais vécue qui m'avait amené à vivre ces émotions-là, ces états-là, et j'ai associé ça au point fermé, aux deux points fermés. Parce que dans les arts martiaux, quand on fait du combat, quand on fait de l'autodéfense, on a souvent les deux points fermés. Et donc, en faisant cet exercice-là plusieurs fois, j'ai programmé de manière automatique l'état d'esprit que je recherchais pour mon examen avec les deux points fermés. Et quand je suis arrivé sur mon test, dès qu'on me demandait une prestation, je fermais les points et bang, l'état était là et j'ai pas eu besoin de me poser la question, savoir qu'est-ce que je peux faire pour être confiant, être déterminé ou fournir des efforts. C'était là de manière naturelle. Est-ce que c'est ce que les athlètes font aussi avec la musique, par exemple? Est-ce qu'on peut y aller avec cette façon-là? Parce qu'ils font beaucoup de visualisation. On les voit, même on voyait aux derniers Jeux olympiques, Michael Phelps, où est-ce qu'il y avait son capuchon, sa tête, puis il y avait les écouteurs, puis il était vraiment... On voyait son visage, mais le peu qu'on voyait, on voyait qu'il se ressemblait pas nécessairement, là, dans le sens que il avait l'air hyper concentré. Est-ce que c'est une méthode que certains athlètes font? Oui, tout à fait. Et tantôt, on parlait des différents professionnels qui peuvent utiliser l'hypnose. On parlait des dentistes, des médecins, ouais, des psychologues. Mais les coachs sportifs peuvent aussi utiliser l'hypnose et la visualisation pour aider les athlètes dans leur entraînement et à mieux performer. Mm-hmm. Et par exemple, ils peuvent les aider à mieux gérer leur douleur, à mieux évacuer la fatigue qu'ils vont avoir dans leurs muscles pendant l'effort. Ils peuvent favoriser une meilleure récupération. Et ils peuvent aussi les aider à se visualiser en train de remporter la victoire, en train de repousser leurs limites, à avoir de meilleurs résultats, mm-hmm, et booster leur confiance, ne pas se laisser impressionner par les autres compétiteurs. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire au niveau de la performance sportive avec l'hypnose ou la visualisation. C'est ça, on entend beaucoup parler de visualisation là avec les sportifs, c'est ça. Exact. Et on peut effectivement, comme tu l'as mentionné plus tôt, venir créer aussi un ancrage, un état, mm-hmm, de calme, de performance avec de la musique. Ça peut être un geste physique, ça peut être de la musique, ça peut être une odeur. Hein, qui okay, n'a ça, pas peut, de... ça peut être n'importe quoi qui vient nous chercher. Là. Exact. Qui okay. n'a pas déjà respiré un parfum qui lui rappelle quelque chose sans être capable vraiment de se rappeler précisément la situation. Mm-hmm. De nos cinq sens, l'odorat, c'est celui qui est le plus sensible. Oui, il y a le plus de mémoire, si je ne me trompe pas. Exact. Et au niveau des parfums, c'est flagrant. Là. Tout le monde va respirer un parfum à un moment donné dans un endroit et dire « Oh, ça me rappelle quelque chose, je me sens bizarre quand je respire ce parfum-là. Je ne suis pas capable de nommer qu'est-ce que ça me rappelle. » Mais la personne a vécu une situation dans sa vie où ce parfum-là était présent et le fait de respirer à nouveau cette odeur-là, ça la ramène à cet état-là. Donc, c'est une autre forme d'ancrage. Puis, est-ce que ça s'estompe, l'effet après une hypnose? Admettons que je reprends l'exemple, quand je prenais mon téléphone pendant X temps, j'arrêtais pas de produire, j'écrivais énormément aussi. J'avais mon téléphone avec moi, je partais à écrire. Je faisais de la recherche, comme je dis. Est-ce que à un moment donné, ça s'estompe ou puis il faut refaire une autre rencontre pour renforcer cette nouvelle croyance-là? Est-ce que c'est quoi? Y a-t-il un délai? Bien, comme je l'ai mentionné à ma conférence, quand on implante cet ancrage-là au début, il faut le répéter souvent. Okay. C'est la répétition qui va faire en sorte que l'ancrage va s'ancrer de manière permanente et durable. Un peu comme on a parlé en début d'émission, quand on apprend à conduire. Mm-hmm. Si on prend le volant une fois, puis qu'on laisse la voiture dans le stationnement, puis qu'on y retouche dans 6 mois, probablement que la fois qu'on a conduit ne servira pas à grand-chose. Non. Donc, ça va être la même chose avec l'ancrage. Si on crée une association une fois et qu'on s'implique pas dans les premières semaines à répéter cet ancrage-là pour le renforcer, mm-hmm, ça va s'estomper. Par contre, au même titre où si on conduit chaque jour, pendant plusieurs jours, il va venir un temps où on va conduire de manière automatique et ce réflexe-là va être ancré très profondément et ne s'estompera plus. Ça va être la même chose avec l'ancrage. Donc, plus on va le répéter, plus on va venir le renforcer et plus il va être durable et moins il va s'estomper. Mm-hmm. Puis comment on fait ça après une rencontre, ou que ce soit de groupe ou individuel, parce que je vois que tu en fais aussi au niveau des entreprises. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on peut partir après ça puis on les fait nous-mêmes? Ou comme par exemple avec le téléphone, moi quand je le reprenais, y a-tu un exercice à faire? Ou par exemple, comment on le fait nous-mêmes? C'est d'aller retrouver l'état intérieur. Donc, on relaxe, on prend, admettons comme dans ce cas-là, c'était le téléphone, puis c'est de relaxer et de repenser à l'état qu'on était, c'est ça? Exact, c'est d'aller retrouver l'état d'esprit qu'on veut associer à l'objet de l'ancrage, que ce soit le téléphone ou que ce soit une image, mm-hmm, ou que ce soit un geste. Donc, il faut aller retrouver l'état intérieur, l'état émotionnel qu'on veut associer à cet ancrage-là. Et la bonne façon de le retrouver, bien, c'est de repenser à un souvenir qui nous a plongé dans cet état-là ou de l'imaginer. Mm-hmm. Puis, Nadine, toi, en tant que coach, est-ce que tu penses à intégrer l'hypnose dans tes rencontres avec tes clients? Bien, tout à fait. En fait, c'est sûr que là, pour moi, ben, je suis en train de remonter quelque chose, de remonter un projet, d'y aller vraiment de façon plus créative. Ce que je crois, c'est que c'est un entraînement, en fait. S'en aller dans un état où est-ce qu'on s'en va visiter. Parce que Dave, il l'a dit tantôt, là, je répéterai pas tout à fait tes mots, mais t'as parlé, Dave, de... dans le fond, c'est comme endormir la vigilance du mental pour laisser comme émerger l'inconscient. Mais l'inconscient, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la source de nous-mêmes. C'est comme notre essence. Mm-hmm. Puis ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, ben, comme moi, en complémentarité avec ce que moi je fais dans la vie par rapport à aider les gens dans la relation que ces personnes-là ont avec l'emploi, dans l'accompagnement des personnes qui veulent se créer vraiment une vie professionnelle à la hauteur de vraiment de qui elles sont, puis de leurs rêves. Justement, d'aller se connecter avec cette source-là, il y a quelque chose de vraiment très puissant. Puis c'est là-dedans que moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ce que je vois aussi, c'est que ben à force de faire des hypnoses, bon, de groupe, d'en avoir fait dans l'individuel, puis maintenant j'ai beaucoup le réflexe de « Ah, Dave pourrait m'aider avec ça. » Il y a beaucoup de choses, des petits trucs dans la vie de tous les jours. Oui. Là. Des fois, c'est des habitudes. Des fois, c'est comme par exemple, je sais pas moi, mettons comme là, ces temps-ci, exemple, j'ai des projets, puis j'aimerais ça être capable de, tu sais, comme d'appeler les gens, puis vendre directement mes affaires. Je dis vendre, mais en tout cas, valoriser, puis offrir mes services, disons. Fait que... La première approche, est... puis ça, c'est plusieurs entrepreneurs, là, qui... Exact. Pas, qui, c'est la qui vont se reconnaître là-dedans, ouais. C'est ça. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que, vraiment, pour dire, améliorer des performances, améliorer la productivité, améliorer la relation qu'on a avec ça pour être capable de se donner, puis que ce soit beaucoup plus fluide. Puis que ce soit pas l'impression que, justement, quand on arrive, on n'est pas agressant, on est juste nous autres mêmes, puis on rayonne, mm-hmm, de ce qu'on est, de notre mission, de ce qu'on est capable de faire. Puis, c'est ça, Dave, il aide, justement, avec l'hypnose, à cette fluidité-là qui est vraiment très, très, très ancrée. Moi, de mon côté, c'est vraiment d'aller faire comme le modèle d'action qui va aider, nommer c'est quoi la mission, des trucs de même, puis aller comme vraiment là-dedans, c'est quoi les valeurs, les intérêts, les aptitudes, puis aller travailler ça à fond pour se faire un projet de vie qui a du sens, mm-hmm, mais pour se connecter à soi, à ce point-là, dans l'inconscient, c'est clair que c'est vraiment fort. Mm-hmm. Fait que oui, pour répondre à ta question, Mélanie, oui, c'est clair que j'y pense, que c'est de là. De l'intégrer, puis, absolument. Puis ben moi, depuis que je connais Dave, ben le nombre de personnes que je réfère, c'était assez grand. Là. À chaque fois quasiment que quelqu'un me demande, oh mon Dieu, Nadine, il me semble que tu t'es beaucoup transformée cette année, il s'est passé beaucoup de choses, ben c'est clair qu'il y a ça, il y a d'autres mondes aussi, là, en tout cas, il y a comme une belle talle de personnes. Là. Moi, j'ai connu Dave au Centre Énergie Alpha de Québec. Là. Puis c'est là qu'il faisait les hypnoses de groupe. C'est là qu'il fait encore, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis c'est vraiment du monde là à voir. Puis Dave, il fait partie vraiment des références que je donne là, par rapport à l'inconscient. Puis aussi tantôt, j'amène ce sujet-là, mais on a parlé un peu de, tu sais, de choisir, choisir comme le bon, la bonne personne. Là. Oui. Puis Dave, c'est vraiment une personne pour moi qui est vraiment de confiance, dans le sens où il est capable d'établir une relation de confiance très, très profonde avec les gens. Puis on n'ira pas voir un hypnothérapeute qui nous fait qu'on n'a pas confiance dans le fond. Je pense que c'est un des points les plus importants. Si admettons, on voit quelqu'un qui fait de l'hypnose, on va pas le voir pour dire, ben écoute, tu fais de l'hypnose, je vais aller te voir. On prend pas le premier sur le bord. C'est un peu comme choisir un psychologue, un thérapeute. Faut aller chercher quelqu'un qu'on sent bien. Ça doit aider, ça, Dave. Tout à fait, tout à fait. J'invite les gens à faire leur propre recherche. Oui. Moi, je suis membre d'une association professionnelle, donc mes références sont là. On peut vérifier que j'ai suivi une formation professionnelle, que je suis diplômé, que je suis apte à émettre des reçus pour les compagnies d'assurance. Et aussi par le vécu, hein, quelqu'un qui vit des choses et qui les applique à lui-même va vraiment avoir un impact supplémentaire sur les gens, va davantage connecter avec leurs problématiques que s'il l'a juste lu dans un livre et qu'il l'a intellectualisé. C'est là que le coaching à Nadine m'a aidé beaucoup aussi, c'est de me faire prendre conscience des propres choses que moi-même j'avais à travailler, parce que ça faisait partie de mes angles morts, de mes propres bénéfices secondaires. Donc, d'un point de vue extérieur, quand elle m'amène ça, elle dit « Dave, ça se peut-tu? T'as-tu pensé que tu serais peut-être dans ce pattern-là ou qu'il n'y aurait peut-être pas cet avantage-là que tu aurais attiré de la situation? » Ah ben oui, merci beaucoup, hein, je vais travailler là-dessus. Ben oui. Donc moi aussi, je suis à plein de transformer. Et un des pièges dans lesquels les thérapeutes ou les hypnothérapeutes doivent faire attention de ne pas tomber, c'est d'essayer de régler leurs propres problèmes en les projetant sur les autres et en tombant dans un mode sauveur, par exemple. Non, non, ça c'est sûr et certain. Si on veut, hey, ça passe vite. Hein? Il reste 2-3 minutes à l'émission. Je vous l'avais dit que ça passait vite avant l'émission. Si on veut vous rejoindre, qu'on veut une séance de coaching ou d'hypnose ou les deux ensemble, comment on peut vous rejoindre? Toi, Nadine, de ton côté, c'est le coaching avec ta compagnie, c'est Grenadine. C'est le nom du coaching, en fait? Oui, ben en fait, c'est pas encore une compagnie parce que je suis pas enregistrée, en fait. Fait que c'est Grenadine sur Facebook. Je vais mettre le lien sur la page des différents. OK, aussi. Super. Fait que c'est Grenadine. Il y a des choses qui s'en viennent. Fait que des petits ateliers qui s'en viennent, comme par exemple l'emploi, des trucs de même, des trucs comme ça. Puis des choses beaucoup plus vers l'orientation aussi de trouver qui on est pour se propulser. Donc c'est par là qu'on peut y aller. Ben merci beaucoup. Dave, comment est-ce que toi, dans le fond, la page Facebook, j'en ai parlé un petit peu, je t'ai présenté ce matin parce que je te connaissais déjà d'une fois que j'avais été à ta conférence. Je vais remettre les liens. Sinon, est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut te rejoindre si quelqu'un veut t'appeler? Ben oui, comme tu le mentionnais, il y a ma page Facebook, Dave Martin, praticien hypnothérapie. Il y a mon site web aussi, hypnocoaching.ca. On peut me rejoindre par courriel à partir de là. Mon numéro de téléphone est aussi sur le site et je peux te le donner également. Oui, donc, on peut le prendre. C'est le 418-951-1367. Je vais tout mettre ça. Écoutez, c'est déjà terminé. Ça a passé vite. On avait encore d'autres... j'avais encore d'autres questions pour vous. Ça passe toujours trop vite. Vous reviendrez. On reviendra discuter avec toi, ça va être un plaisir. Je dis ça à mes invités. À chaque semaine, ça passe toujours trop vite. Merci beaucoup. Puis à une prochaine, je vais vous réinviter, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Peut-être sur l'hypnose, peut-être sur d'autres sujets, on va voir. De mon côté, c'est terminé pour les différents. Je vous retrouve... pas la semaine prochaine, parce que les différents ont fait relâche la semaine prochaine. On va laisser notre case horaire à l'école Saint-Fidèle, qui vont faire une émission spéciale. Il va y avoir de la musique, des chroniques. Vraiment, ça va être une belle émission. Et puis, ben sinon, moi, je vous retrouve le 23 décembre prochain. On va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début des différents, depuis cet été. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a vu? Si vous avez des sujets que vous voulez réentendre, je vais en repasser aussi des petits extraits et puis vous donner qu'est-ce qu'ils sont devenus, puis tout qu'est-ce qui entoure les différents en même temps, qu'est-ce qu'on devient, puis qu'est-ce qu'on s'en vient faire en 2017. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve dans 2 semaines, le 23 décembre. Et puis d'ici là, ben là, vous avez 2 semaines. Essayez quelque chose de différent, faites différent. Osez être différent. Bye bye.